Après 50 galères, 50 placards, à toi le haut, à toi le grand, je remercie Dieu pour ma liberté. C'est la même, de Paris à Cali. Ce qui compte c'est pas le pouvoir mais les principes et le feeling. Dans la vie je serre les poings avec les miens, serre les coups. Je viens loin et l'envie de vaincre me frappe comme la foudre. Y'a de l'adrénaline dans mes moves, mon cœur explose comme la poudre. Là d'où l'on vient la misère nous dessoude. Mon cœur est propre, aucun juge ne le salit. Si t'es un lion on peut s'arracher vers la victoire. Que tu viennes des bleuets ou de la grand-mare. Mais beaucoup regardent passer les voitures, regardent passer l'histoire. Avec un flash de sky et de la farine. 1-2, ça leur donne l'impression de voler. Vu que l'État ferme les portes, nos mères ferment leur cœur et les voisins leur volent. On est au compas, l'argent on est en contact. 100 Hz, 100 000 Hz, toi t'es bon comptable. On est des hommes guidés par nos émotions. Parfois on paye le prix de l'ambition. On a eu peur de personne durant notre ascension. On paye le prix de l'ambition. Si je me fais fumer parce que je vais au charbon, j'aurais payé le prix de l'ambition. On est des hommes guidés par nos émotions. Parfois on paye le prix de l'ambition. Je m'approche de mes ennemis, je m'approche de mes ennemis, je m'approche de mes ennemis, je m'accroche qu'à ma foi. Je suis proche de mes ennemis, je vais répandre mon sang sur le terrain et monter vers les sommets. C'est l'heure pour moi, j'ai chaud et froid à la fois, mes peurs sont assommées. 2 ans sans matelas, sans sommier, l'heure de gloire a sonné. Je pense le faire pour ma famille. La condition sociale a liquidé mes amis. J'aime une femme comme j'aime mon propre corps. Blessé par les corps à corps, taché par la vie. Mais on plaît encore, on est frais encore. On est à corps encore, oui on souffre encore. Raccord entre l'esprit et le corps. Nos pensées c'est des pensées. Comprends pourquoi les jeunes font des infarctus, meurent de cancer. On est des hommes guidés par nos émotions. Parfois on paye le prix de l'ambition. On a eu peur de personne durant notre ascension. On paye le prix de l'ambition. Si je me fais fumer parce que je vais au charbon, j'aurais payé le prix de l'ambition. On est des hommes guidés par nos émotions. Parfois on paye le prix de l'ambition. On est des lions, des animaux avancent à l'instinct. Y'a pas plus vrai que le destin. On accepte la famine et les festins. Empoisonne nos intestins. L'adrénaline nous mène trop loin. On est des lions, des animaux avancent à l'instinct. Y'a pas plus vrai que le destin. On accepte la famine et les festins. Empoisonne nos intestins. L'adrénaline nous mène trop loin. Reste humble. Aujourd'hui j'avance, j'ai pas peur. Tout le monde se souviendra de ce grand voleur. Mais pas ce gamin de Honfleur. Amicalement, Christophe Ocampoure. On est des hommes guidés par nos émotions. Parfois on paye le prix de l'ambition. On a eu peur de personne durant notre ascension. On paye le prix de l'ambition. Si je me fais fumer parce que je vais au charbon, j'aurais payé le prix de l'ambition. On est des hommes guidés par nos émotions. Parfois on paye le prix de l'ambition. On est des hommes guidés par nos émotions. Parfois on paye le prix de l'ambition. On a eu peur de personne durant notre ascension. On paye le prix de l'ambition. Si je me fais fumer parce que je vais au charbon, j'aurais payé le prix de l'ambition. On est des hommes guidés par nos émotions. Parfois on paye le prix de l'ambition.